Bonjour à tous, Jessica Leb au micro de CKRL 89.1, toujours en plein cœur de ce Radioton. Et on a bien hâte de démarrer ce prochain rendez-vous avec vous, puisqu'on est au 6 à 8 gourmands et on a un public gourmand avec nous. Êtes-vous là? Oh là là! Mais ils ont tellement faim qu'on leur a mis une assiette entre les mains. Ils sont déjà en train de tout dévorer alors qu'on va découvrir des accords avec la bière de la Barberie. Je ne peux pas parler de bière toute seule. On a notre spécialiste Michel Marcoux qui est avec nous. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'ai essayé de les calmer. c'est ça qui arrive quand on fait des dégustations à l'heure du souper. Ouais. C'est ça, exactement. C'est pour ça que je ne fais jamais ça d'habitude. J'essaie de faire ça la nuit, quand il n'y a personne. Mais pour parler un petit peu du concept de cette émission, c'est 2 heures de gourmandise, 2 heures de produits québécois sur le thème. On va traverser plein de choses. Oui, mais commencer par servir la bière blonde. Oui. Oh, ah, oui, il y a une bière blonde qui est versée, là, je la vois. Les bières blondes de la Barberie. Oui. Alors, en accord avec des charcuteries du Pied Bleu, avant que tu nous parles de la bière, Michel, on va leur laisser le temps de boire dans le public. On accueille Tania Goyette, chef au Pied Bleu. Bonjour Tania. Bonjour. Merci d'être avec nous un samedi soir. On sait qu'en restauration, c'est pas facile de se libérer. Hein? Ça va, j'ai amené les enfants avec moi, fait que j'ai tout mon temps. Le Pied Bleu, pardon, situé sur la rue Saint-Vallier, inspiré des bouchons lyonnais. Votre spécialité, ce sont les charcuteries. Exact. Et le boudin particulièrement. Oui, boudin le noir. Boudin aussi. Mais il y a médaille. Rappelle-moi la médaille que vous avez gagnée avec ce boudin. Depuis, ça fait 7 ans qu'on participe à chaque année à un concours de boudin international en Normandie. Puis l'année passée, on avait eu le trophée national. Pour le boudin. Quand même. Quelle fierté pour Québec, vraiment. J'imagine que la barre est haute. Tania, d'où est venue l'idée au départ de lancer un bouchon lyonnais à Québec? C'est le côté convivial de servir les gens dans des plats comme à la maison, comme dans des grandes familles, mettre les plats sur la table à partager, puis aussi faire des plats mijotés de maman lyonnaise. Puis, maintenant, québécoise. Mm-hmm. Puis, c'est l'abondance. C'est le plateau de fromage, les saladiers au départ. Après ça, avec chacun des plats, gratin dauphinois, des légumes. Il y a quand même des légumes dans l'histoire. Oui, des légumes. Oui, des photos de légumes. Il y a des photos de légumes. Ils sont très, très belles. Je suis allé quelques fois, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'y aller, justement, avec la Barberie, certaines époques, faire le party de Noël, là. Puis, c'est vraiment extrêmement gourmand. Puis d'ailleurs, c'est ça. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait dans l'assiette. Mais oui, découvrons l'assiette de charcuterie. Tania, tu peux nous décrire ce qu'on a entre les mains? Oui. Alors, on va demander à la caméra d'aller au-dessus. j'ai apporté 5 spécialités des charcuteries au Pied Bleu qu'on fait toutes avec un cochon par semaine de la ferme Turlot. Fait que j'ai. Il y a la terrine, premièrement. Ouais. La terrine grand-mère, foie et champignons. Ensuite de ça, en saison, on met des champignons sauvages de Chapeau-les-Bois. Mais là, c'est des champignons de Paris quand c'est l'hiver. Ensuite de ça, le saucisson sec au cumin. On fait aussi d'autres variétés, poivre, fenouil, piment. Mais là, j'ai amené cumin. Le saucisson cuit, fait que c'est pistache et noisette. On a aussi 2 viandes tranchées, l'épaule qui est fumée avec une croûte d'épices autour, puis la longe fumée comme le bacon de dos aussi qu'appellent les Anglais. Sinon ils appellent ça du bacon canadien. Exactement. Quand c'est pas du bacon de dos. Tout est fait maison, tout est travaillé artisanalement au Pied Bleu. Comment ça se passe? Vous avez le restaurant, vous avez un centre de production? Non, tout est fait. Si vous venez nous voir le lundi, mardi, il y a la production de charcuterie. Fait que le restaurant est fermé, mais on fait les charcuteries pendant ce temps-là. Fait que on a aménagé un grand espace dans la salle, puis on produit là. On fait fumer sur place, on fait sécher, on a un beau séchoir aussi, puis... après ça, le reste de la semaine, le restaurant est ouvert du mercredi au dimanche pour les midis, les brunchs ou le soir. Puis, fait qu'on vous invite à venir dans Saint-Sauveur. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi cette idée-là de poser des trucs sur la table. Et même les alcools, les digestifs, en fin de repas comme ça. Puis ensuite, on mesure la bouteille, puis on dit, vous en avez pris. Puis ça, je trouve ça absolument parfait au lieu d'avoir... Une grande confiance envers les clients et leur consommation. Oui, et des clients qu'on leur fait confiance, ils la méritent. en général. Mais rendu à la fin du repas, là, on commence à les connaître. Oui, oui, oui, c'est ça. On peut leur faire confiance. Alors, puis plus ils boivent, moins ils sont habiles pour voler des ustensiles. Mais l'idée aussi autour du pied bleu, c'est peut-être de nous faire manger des choses qui nous attirerait pas à premier abord. T'as parlé de terrine de foie. Moi, je sais que le foie, j'ai détesté ça dans mon enfance. J'essayais à chaque fois, mais au pied bleu, ça passe comme si c'était un bonbon au chocolat. Oui. Quel est le secret? Ben, c'est la façon que c'est cuisiné. C'est sûr, on est spécialisé dans les abats, fait qu'on a des rognons, de la cervelle, des riz de veau à l'occasion, mais, et des tripes, de l'estomac, des andouillettes. Vraiment, là, c'est les spécialités lyonnaises. Très bien cuisiné avec des bonnes sauces, venez goûter, si vous voulez goûter à ça, venez au pied bleu. Sinon, on fait des bons poissons aussi, la quenelle de brochet, bisque d'écrevisse, qui est une spécialité lyonnaise. Ça s'adresse à des gourmands. Pour moi, vous êtes à peu près ce qui représente le plus l'idée que je me fais du diable. C'est ça, c'est le... Michel, as-tu déjà fait le brunch 5-7 services? C'est le vrai manchon. Le vrai manchon? Ouais. Je me tiens le plus loin possible de ça. Tu parce ne que sinon... remanges plus de la journée. Non, mais sinon, effectivement, il faut que j'y aille. Absolument, souvent, je suis pris un peu le matin de fin de semaine, ça m'est arrivé, mais je sais que si j'y vais, je vais y retourner pour le restant de mes jours. C'est ça, je sais, on me l'a décrit. On me l'a décrit, le brunch. Tania, j'aimerais que tu nous parles et qu'on conclue sur le vrai mâchon. D'où est venue cette idée? C'est quand même incroyable tout ce que vous donnez, là. Ouais, le mâchon, c'est pour les ouvriers qui commencent à 5 heures du matin, puis qui, rendus à 9 heures, ben, sont prêts pour un dîner, dans le fond. Mm-hmm. Fait que vous pouvez arriver au pied bleu à partir de 10 heures, puis on vous sert un bon verre de vin blanc. Avec des charcuteries, ensuite des entrées, au moins deux entrées, ça dépend vous êtes combien à table, on multiplie selon vous êtes combien. Des saucissons cuits avec des lentilles, des gâteaux de foie sauce tomate, ensuite de ça, on fait du boudin, des andouillettes avec du gratin dauphinois, et fromage, et du dessert pour la fin, puis un petit café finalement, parce que c'est le matin. On n'oublie pas. Les amateurs d'abord sont absolument servis chez vous. Ouais, des couilles d'agneau, de la cervelle avec du citron dessus, des copes, puis des rognons sauce moutarde. Les enfants sourient. Ouais, qu'est-ce qu'ils aiment? Marie aime la cervelle avec beaucoup de citron dessus. Ah, c'est bon, c'est bon. Alors, il faut initier les enfants dès le plus jeune âge. Je vous rappelle qu'il y a un lot du pied bleu à l'encan de CKRL, 95 lots quand même, et vous êtes le lot numéro 94, un certificat cadeau d'une valeur de $200. La mise actuelle, c'est 125, donc vous pouvez encore vous en sortir. Oui, et c'est ma sœur. Oui. C'est ma sœur. Alors, je ne veux pas que sa mise soit battue, mais on va suivre quand même, parce que je risque peut-être d'être invité, on ne sait pas. Ben, c'est ça, c'est tout à ton honneur, Michel. Alors, je voulais que tu n'en parles pas. On rappelle surtout que les dons à l'encan, enfin le miser à l'encan, ça va au profit de CKRL. J'ai envie quand même de terminer sur un dernier mot. Pourquoi soutenir CKRL quand on est un restaurant, Tania? Ben moi c'est la radio que j'écoute dans ma voiture tous les jours. Fait que c'est sûr que ça je suis touchée par la qualité de tout ce qu'on entend dans cette radio, puis les animateurs aussi qui sont vraiment bons. Depuis plusieurs années. Bravo, c'est quand merci, elle. Merci, merci pour ces bons mots, Tania. Je pense qu'on peut se quitter là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Puis, merci, bon appétit. Je peux promettre que oui, je vais aller déjeuner. Ah, oui, oui, oui. Vous allez vous en vouloir. Est-ce que c'est bon, cher public, ce que vous êtes en train de manger? Alors, on veut connaître vos préférences aussi. Si vous mangez du foie, du bacon, du saucisson, vous viendrez nous souffler ce que vous aimez particulièrement. Michel, avec toi, ça fait, je pense, c'est le troisième Radioton. On a un rendez-vous gourmand dans ces heures-ci. Oui, on avait fait fromage, on a fait chocolat. Et donc la bière s'accorde avec tout, en fait. Hein. À peu près, en fait, c'est un truc que les gens ont découvert au fil du temps, que la bière est possiblement plus versatile que le vin. Dans beaucoup d'aspects. Il y a un seul truc avec lequel je préfère encore le vin, mais je vous dirai pas ce que c'est. Alors, vous attendrez, peut-être vous viendrez voir après l'émission. Mais effectivement, par exemple, avec les poissons, les bières s'accordent très bien. les fruits de mer, les fromages. Je trouve que le vin n'est même pas en compétition. Pratiquement. C'est un peu drôle, oui, mais effectivement, les fromages, à cause de l'amertume, possiblement de la bière, qui se marie très bien avec certains fromages, qui se marie mal avec le vin. Évidemment, il y a des accords avec le vin qui sont très, très bons. Et ayez confiance en moi, j'ai déjà bu du vin et j'en boirai encore. mais il y a des aspects où vraiment la bière domine tout à fait. Et moi, j'ai commencé à faire des dégustations en 98. Lorsque j'étais au sergent recruteur à Montréal, je suis arrivé à la Barberie en 99. Et le premier bière fromage que j'ai fait, c'est en 98. Et j'ai été extrêmement, agréablement surpris. Mais même sans la variété des bières québécoises qu'on a aujourd'hui, tu étais capable de faire des accords Je le faisais avec les bières que je produisais moi-même déjà. Ah oui. Alors ça j'avais aide. Déjà assez de variété comme ça. Et il y a un autre aspect de la bière qui est amusant parce qu'on se retrouve aujourd'hui, on va se retrouver avec des gens de Chapeau-les-Bois, avec les champignons. J'ai eu l'occasion de faire différents trucs avec les champignons et ça fonctionne en général très bien. Il y a le côté de l'amertume de la bière, le côté herbacé qu'on retrouve souvent dans le houblon et tout ça, fait que c'est très, très agréable avec beaucoup d'espèces de champignons. Et c'est le pari audacieux que nous faisons pendant cette émission de vous proposer une dégustation à base de champignons. On a Mike, le Metal Chef, qui a tout préparé aujourd'hui pour cette émission. On va le recevoir dans quelques minutes pour qu'il nous commente tout ce qu'il va vous servir ce soir. Mais le défi, c'était de cuisiner avec Chapeau-les-Bois. C'est un faux défi parce que Mike, le chef, connaît très bien Chapeau-les-Bois. Michel Marcoux aussi. Alors, vous n'aviez même pas besoin de vous apprivoiser. Non, c'est ça. J'aurais pu quand on sait leur numéro par cœur, d'habitude, c'est qu'on les connaît. Alors, pour vous parler des produits forestiers et des champignons que nous allons déguster ce soir, nous sommes avec François-Xavier Fauque, copropriétaire de Chapeau-les-Bois. On salue également sa conjointe Céline Dufour, qui est avec nous ici ce soir. Mais c'est qui est en train de filmer, qui est en train de nous filmer. Voilà. Oui, chacun son mandat. On va se retrouver sur un site. Bonjour François-Xavier. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Alors, bien connu, franchement, de la région de Québec et même ailleurs, parce qu'on va le voir, ça s'étale vraiment à l'échelle de la province aussi. Parle-nous un petit peu de ta passion pour les champignons et surtout de l'amener ici à Québec où c'est encore méconnu, hein, il y a de l'initiation à faire. Je crois que c'est très simple en fait. Puis on vit un petit peu ça aujourd'hui par rapport à ce qui se passe pour CKRL. C'est une question de réunion et de communion en fait. C'est l'amour des produits forestiers, c'est l'amour des promenades en forêt. Et il y a quelque chose de festif à aller faire de la cueillette de ces produits-là. Et on retrouve aussi le plaisir de se réunir autour d'une table pour les cuisiner, pour les déguster. Donc on parle souvent du cercle des proches amis, du cercle des mycologues. Ben, c'est un petit aspect, on va dire, un peu peut-être l'empreinte amérindienne ici, qui donne cette notion-là de réunion familiale autour de produits locaux. Parce qu'il y a une redécouverte des produits forestiers, parce qu'à une certaine époque, le commentaire qu'on pouvait entendre le plus sur des champignons, c'est « touche pas à ça ». Oui, au Québec, alors qu'on pouvait, en France, faire identifier ces champignons, même à la pharmacie, pratiquement, ici au Québec, c'était « touchez pas à ça », puis « interdit de cueillir ». C'était à peu près les commentaires et on se privait d'une quantité phénoménale de goûts absolument délicieux. On va dire que le sport qui se rapprochait le plus de la cueillette, c'était un peu comme le soccer des bois. C'est-à-dire qu'on avait plutôt l'habitude de taper dans les champignons marchant dans les sentiers plutôt que de s'y intéresser et de les cueillir. Mais là, maintenant, on peut dire que grâce aux émissions de Foodies, entre autres, puis les chefs cuisiniers qui travaillent ces produits-là maintenant de plus en plus, les gens ont commencé à s'approprier un peu ces produits-là aussi chez eux, à les introduire dans leur cuisine, dans leurs recettes. Et puis, de plus en plus d'engouement pour ces produits-là, qui sont, je le rappelle, c'est des produits locaux. C'est des produits de cueillette locale. Donc, on parle pas d'impact carbone, on parle vraiment de choses qu'on a à disposition en forêt et puis que les gens s'intéressent à cueillir. Mais on parle d'impact économique. C'est un truc qui est plutôt, lorsqu'on parle de structurant, ce n'est pas uniquement des très gros trucs. La microbrasserie, dans beaucoup de régions, ça a été des projets structurants. Puis quand on commence à combiner les cueillettes, des produits locaux, la production de pain, par exemple, à un endroit, les maraîchers qui se combinent avec la microbrasserie, justement les cueilleurs, on commence à voir quelque chose qui se tient. Ben, y a un lien fraternel avec la mycobrasserie, et puis les champignons, ben, on sait que les levures, ce sont des champignons. Donc, quand on travaille de la bière, déjà, on travaille des champignons. C'est la fermentation, c'est des champignons. Mm-hmm. Donc, mais c'est sûr que c'est une valeur ajoutée de pouvoir travailler des produits locaux, comme les champignons forestiers qu'on cueille, qui ont vraiment des goûts et des particularités là, d'arômes très caractéristiques, des valeurs nutritives qui sont vraiment phénoménales, il faut en parler aussi. Et ça, c'est des plus pour les produits, donc ça donne des produits uniques. On parle de la cueillette des champignons à l'automne, bien sûr, ça a l'air d'être la saison phare, mais est-ce que c'est vraiment le cas au Québec, bien sûr? En fait, la cueillette va commencer là, tout de suite après la fonte des neiges, on a les premières espèces de champignons en forêt. Il y a beaucoup de champignons qui sont peu connus, des comestibles déjà de début de saison. C'est sûr qu'au niveau commercial... Oui, la morille, on va en parler très très tôt dans la saison. C'est le premier champignon vraiment commercial, on va dire, qui se cueille en forêt. Puis, on va dire, un des plus connus aussi au niveau de la gastronomie. Mais, Et tellement savoureux. Mais c'est très très dur à trouver la morille. Je ne veux pas décourager les gens, mais c'est vrai que c'est un des champignons là, qui est plus difficile à cueillir en forêt. Ouais, on peut trouver des polypores, des jeunes polypores écailleux en début de saison, qui sont délicieux, qui sont très faciles à trouver. On va avoir du pleurote, du peuplier en début de saison aussi. C'est un pleurote de début de saison. Les gens pensent que le pleurote c'est l'automne seulement. Non, ça se cueille aussi en tout début de saison. Regardez les peupliers qui sont endommagés, qui sont vieux, qui sont mourants. Vous allez trouver probablement du pleurote, du peuplier en tout début de saison. Et puis la saison va avancer, ça va assez vite. Après, vous savez, l'été ça passe comme un éclair. Alors la chanterelle, bien sûr, dans le mois de juillet. Après ça, on a toutes les autres espèces qui déboulent. Dans le mois d'août, on a peut-être 7 ou 8 espèces différentes qui sont commercialisées, là, qu'on livre en restauration ou que vous pouvez retrouver sur les marchés publics. Début de saison, quand tu parles début de saison, c'est quand exactement? Les premières morilles vont se cueillir à la fin du mois de mai. Là. On va dire, pour les plus précoces, à partir de la 3e de mai, ça va s'étaler jusqu'à la fin juin pour la morille. Les différentes espèces de morilles, parce qu'il faut comprendre qu'on a plusieurs espèces de morilles au Québec. Juste dans la morille blonde, là, au niveau génétique, les puristes sont fiers de dire qu'il y a plus de 7 espèces. Il y en a encore qu'on redécouvre. Donc, au niveau de la morille, on a beaucoup d'espèces ici au Québec. Là. D'accord. Michel, peut-être nous parler de la première bière qui a été servie aussi, qui est dégustée en apéritif. Oui, parce que la première bière qui s'est retrouvée à être la deuxième, maintenant, alors parce qu'on a servi une petite blonde imprévue comme ça, une bière blonde qui servit à accompagner les charcuteries. Et là, maintenant, on a de la blanche au mur. Donc, la Barberie fait depuis des années cette bière qui est vraiment... Si on se pose la question, oui, c'est le meilleur vendeur de la Barberie. Je ne sais pas, comme je suis un peu plus loin maintenant de la Barberie, savoir si ça l'est encore, mais c'est un hit. C'est un hit, cette bière-là. Alors, mûr et bleuet. À un moment donné, on prenait des murs de Chine, ce qui faisait faire une très mauvaise plaisanterie. Mais maintenant, ben, on a des murs parfois qui viennent du Chili ou du Québec, puis avec des bleuets qui, en général, viennent du Québec. Des assez grosses quantités comme ça, dans de la blanche, mais c'est une bière que j'ai jamais mariée à beaucoup de choses. Ça va très bien avec le fromage et parfois aussi avec des charcuteries et des saucisses, par exemple, particulièrement des saucisses de sanglier avec des petits fruits ou des trucs comme ça. Mais c'est une bière qui fait un excellent apéro. Avec les charcuteries du pied bleu, par exemple. Par exemple, pourquoi pas. On va arriver tout de suite à notre première bouchée, Mike le chef, qui travaille ici, à CKRL. Oui, on est capable de faire ça aussi. On a aménagé un petit coin pour lui. Bonjour, Mike. Bonsoir, Jessica. Mike Raymond, Mike the Metal Chef. Yeah. Parce que tu joues aussi dans un groupe de métal. Absolument. Et c'est ta signature en tant que chef aussi. Et oui, on fait un combo, hein, je veux dire, musique, cuisine, pour moi, ça va ensemble. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares? Déjà, ben, toi, travailler avec les champignons, les cuisiner, c'est naturel, hein? On s'en est parlé assez vite ensemble. Ben oui, puis en plus, j'ai fait un événement pour toi dernièrement. Je t'ai fait découvrir un peu les champignons séchés. Mais moi, mon aventure avec le champignon sauvage a commencé il y a quand même une dizaine d'années, peut-être une douzaine. Mais où est-ce que j'ai eu une passion? C'est quand j'ai rencontré justement Chapeau les Bois, Céline et François. À l'époque, ils venaient me livrer des champignons au restaurant dans le Noir au 6e sens. Et par la suite, la passion a développé. par rapport aux champignons et surtout les produits forestiers. Et quelle était la réaction des clients dans le noir? Hein? Je rappelle, restaurant dans Sainte-Foy, au 6e sens, on ne sait pas ce qu'on mange, mais on mange avec les mains, on a les textures aussi. Je pense que tu t'amusais avec ça. Absolument. Et surtout, ce qui était agréable, c'est à la fin du repas, on présentait ce que les gens mangeaient. Et je dirais le trois quarts. Avec les assiettes en vrai, là, ouais. Oui, exactement. Et le trois quarts des gens n'aimaient pas les champignons. Hein, sont pas habitués parce que souvent, bon, ben, ils savent pas comment les cuisiner, comment les apprêter. Des fois, ça va être encore gorgé très beaucoup d'eau. Alors, il faut savoir comment cuisiner un champignon pour que ça soit agréable en bouche. Oui, c'est ça, François-Xavier. Je pense que tu ne contrediras pas. Un champignon, consommer un champignon, c'est bien, mais savoir le cuisiner, il y a les histoires de cuisson aussi, hein? Absolument. Les gens qui disent « j'aime pas les champignons » habituellement, c'est parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience de cuisson de champignons. Les champignons, c'est 90% d'eau. Donc, quand on cuisine un champignon, évidemment, ce qu'on veut, c'est faire sortir l'eau le plus vite possible. Et puis, d'avoir aussi un apport au niveau du goût. Puis ça, ben, ça passe par ce qu'on appelle la caramélisation de la cuisson. C'est la réaction de Maillard. La viande en a besoin, mais les champignons aussi en ont besoin. Pour faire ressortir leur arôme, il faut vraiment aller chercher, aller légèrement les caraméliser. Donc, cette combinaison-là, au niveau de la cuisson, c'est pas évident pour tout le monde. Il y a une question de quantité de champignons dans la poêle qui est importante. Il y a une question de température de poêle quand on commence la cuisson. Alors, habituellement, on part ça assez fort pour justement faire évaporer l'eau. Et puis ensuite, on baisse le feu. Puis là, on peut y aller sur la matière grasse parce qu'évidemment, le meilleur ami du champignon, le beurre. Hein. Et il ne faut pas hésiter à en mettre. Il ne faut pas en mettre trop parce que le champignon, c'est une éponge. Alors, évidemment, on cuisine santé, mais on veut cuisiner aussi pour le goût. Puis le beurre, ben, évidemment, pour les champignons, c'est irremplaçable. On peut mélanger avec un peu d'huile si on veut. Et puis, qu'est-ce qui est fascinant aussi, chaque champignon n'a pas nécessairement le même temps de cuisson. Alors, faut prendre vraiment connaissance de c'est quoi un champignon. Oui, on est habitué du champignon de Paris. Beaucoup de gens ont été déçus. Mais quand on tombe dans une gamme comme le champignon sauvage, je pense qu'au Québec, on a de très, très belles variétés aussi à découvrir. Prenez le temps, tu sais, de connaître ces fameux champignons. Et ça fait partie de votre expérience quand vous achetez des champignons chez Chapeau-les-Bois, par exemple. On vous explique comment cuire votre champignon, comment l'apprêter, les recettes, etc. On aura l'occasion d'en parler. Mike, on a hâte de voir. Le public s'est fait servir une première bouchée. Oui. De quoi s'agit-il? Oui, vas-y. Vas-y, Michel. Oui, c'était le velouté de champignons. Ah, finalement. Ah, t'as le menu, Michel? Oui, ben c'est ça. C'est excellent. C'est ça, okay, c'est ça, parce qu'on a... c'est ça, alors... donc, velouté de champignons, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce velouté? Il y a du consommé de champignons, de l'armillière, entre autres, là, vraiment très concentré. J'avais aussi un fond de jus de déshydratation du champignon, et que j'ai monté aussi à finition avec une crème. Est-ce que c'est bon? Oui, okay, je pense que c'est et dans le fond, dans le fond du bol, j'ai mis aussi une petite duxelle de champignons là, qui est très intéressant, là, des morceaux de champignons. C'est du matsutake. Il y a aussi de l'hyne ombiliqué et il y a aussi du strophère rouge vin. Donc ça, c'est toutes les sortes de champignons. Oui. Trois variétés de champignons qu'il y a dans ma duxelle de champignons. Et moi, j'ai eu l'occasion de goûter souvent du strophère rouge vin qui est devenu un de mes préférés. Pas cuit, ça goûte un peu la noisette. Et cuit, ça goûte un peu la viande. Alors, c'est vraiment délicieux avec... peu importe ce qu'on fait sur le barbecue l'été, c'est absolument parfait, le strophère rouge. Oui. On va continuer de découvrir ces champignons dans quelques instants, le temps que le public goûte son velouté de champignons. Et puis, on revient pour la suite du 6 à 8 gourmand en direct à CKRL 89.1. Partenaire majeur du Radiotemps de CKRL, la Barberie est ancrée dans son milieu depuis 1997. Première entreprise coopérative microbrassicole au Québec, unissant le savoir-faire d'une équipe de passionnés de bière et l'engagement social. La Barberie, heureuse de s'associer à CKRL 89.1. Labarberie.com. Cette émission est une présentation de la boutique Le Pédalier. Une équipe de spécialistes et des conseils judicieux, c'est l'expérience que vous vivrez en vous rendant à la boutique Le Pédalier, pédalier.ca. Et Et on se régale ici à CKRL, si vous saviez, 6 à 8 gourmands qui se poursuit dans le cadre du Radioton de CKRL. On a un public très attentif, très gourmand. C'était l'idée du concept, toujours avec Michel Marcoux. Oui, et j'arrive toujours pas à les calmer. Ça veut dire que dès qu'ils reçoivent quelque chose, ils se tirent dessus sans même attendre que la bière soit là, parce qu'on a une bière qui va avec ça. Alors, on a mousse de matsutake et mousse de champignons homard. Que les Anglais appellent différemment. En fait, nous, on l'appelle différemment. Tout ça, François-Xavier va nous l'expliquer. Et on a une blanche vraiment traditionnelle. Donc, une bière blanche, une bière avec une bonne quantité de blé. Oui, et on a une question. Avez-vous une entente avec Nez Rouge? Est-ce qu'on a une entente avec Nez Rouge? Demandez à la directrice de la programmation, Tania Beaumont. La question, c'est pas... Moi, je bois pas. Alors, j'avais pas d'entente avec Nez Rouge. La question, c'est vous, avez-vous une entente avec Nez Rouge? Mais c'est la troisième année que Oui, pour répondre à une autre question du public. Voilà. Est-ce que c'est la première fois? Je tiens juste peut-être à préciser à monsieur qui nous demandait pour Nez Rouge, il n'est pas obligé de rentrer juste après le 6 à 8 gourmand, puisqu'il y a une soirée rockabilly punk rock qui s'annonce. Alors, c'est très bien pour digérer la bière. Il n'y a même pas besoin de rentrer. c'est très surfait rentrer. Alors, mousse de matsutake, bon, j'ai choisi la bière blanche. Normalement, après avoir, comme j'ai goûté déjà ces produits-là en allant dîner chez François-Xavier et Céline, je me suis dit que normalement, ça devrait fonctionner. Alors, on a d'un côté du crouton mousse de matsutake et de l'autre côté mousse de champignon homard. Comment c'est fait? François-Xavier de Chapeau-les-Bois. Alors, déjà, on va parler des noms des champignons et on va essayer de ne pas perdre tout le monde, faire une histoire courte. Le matsutake, on l'appelle comme ça, même si c'est un nom japonais, parce qu'en fait, dans la gastronomie, il est surtout connu sous ce nom-là. On va parler de ce champignon. Les Japonais sont fous de ce champignon, c'est un peu leur truffe à eux. Pas achetable là-bas sur le marché de Tokyo, évidemment. On a la chance de le cueillir ici, dans des peuplements de pin gris, donc un champignon local, avec une petite arôme, un petit arôme un peu de cannelle, on va dire cannelle poivrée, léger, très très fin comme arôme. Et c'est la mousse qui est pâle. La mousse, en fait, c'est uniquement du champignon et de la crème. Ah, voilà, donc alors, c'est santé. On n'a pas 36 ingrédients, c'est on veut avoir le goût du champignon, et comme je l'ai dit tantôt, meilleur ami du champignon, le beurre, la crème. La crème, et oui. Évidemment, ça va de soi. Ça donne toute la place au goût du champignon, puis ça donne une belle onctuosité. Le champignon homard, maintenant. Ce champignon qui est un peu plus foncé. Voilà. Effectivement. Alors, vous allez goûter, vous allez trouver qu'il a un petit goût de fruits de mer, ce champignon-là. Et on l'appelle champignon homard. Alors, les gens vont dire, ben, c'est un peu organisé par le gars des vues, puis ça doit être... C'est quelque chose qui se cueille pas dans le bois, c'est un produit de la mer. Non, pas du tout. Milieu forestier, forêt mixte, souvent le bord des sentiers. Quand vous vous promenez, vous verrez, vous prêterez attention à partir du mois d'août à ces grosses masses oranges. Parce qu'effectivement, on l'appelle champignon homard à cause de son apparence de fruits de mer. Il a vraiment l'apparence du homard, la chair de homard orange. L'intérieur, la chair est très blanche, très charnue. Et la magie, évidemment, c'est son arôme de fruits de mer. C'est ça qui est incroyable. Oui, et c'est très, très bon. La mousse surélevée, celle qui se tient le plus. Oui. La mousse la plus ferme. Monsieur, qui est sur le tactile, a raison de le mentionner. C'est vraiment ça. C'est ça. Puis il a ajouté de la ciboulette. C'est de la ciboulette, j'ai l'impression. Et les herbes avec la bière. D'ailleurs, c'est un truc qu'on peut souligner. Lorsque vous faites de la cuisine, que vous servez avec la bière, n'hésitez pas à ajouter des herbes, parce que la bière s'accommode très bien. Des herbes, alors que parfois on peut tuer un vin à coup d'estragon, ça se fait très bien, alors qu'avec l'estragon on peut sublimer une bière. C'est la différence, c'est un des trucs en gastronomie qui fait justement une bonne différence. Moi j'ai envie de demander à François-Xavier, est-ce que les mousses qu'on est en train de déguster, on peut les acheter telles quelles à Chapeau-les-Bois ou il faut quand même savoir les travailler un petit peu? Vous pouvez vous essayer avec les champignons séchés. C'est sûr que nous, on travaille, comme je vous l'ai dit, le plus souvent les champignons frais pour l'arôme des champignons frais. La mousse de matsutake que vous goûtez, c'est l'arôme du champignon frais parce que c'est un champignon, cette mousse-là, on l'a travaillée en saison. quand on faisait la récolte du matsutake. Alors, mais c'est quelque chose que les gens qui cuisinent un peu peuvent faire par eux-mêmes avec les champignons séchés, qui peuvent venir chercher à la boutique chez Chapeau-les-Bois ou qui peuvent cueillir et mettre à sécher en saison. C'est toutes ces choses-là, si on sait cuisiner, si on sait travailler les produits, on est capable de sortir ces produits-là. C'est sûr que nous, on a un peu de notre touch. On a été poussé en cuisine par les produits forestiers, on va dire, avec Céline. On est des gourmands. On aime travailler les produits, pousser un petit peu. Donc, effectivement, c'est sûr que ces mousses-là, elles sont populaires. Puis, on les fait maintenant à l'année, alors qu'au départ, c'était des produits de marché de Noël. Genre. Mm-hmm. Et Mike, c'était le moment où toi, tu t'es mis à jouer de la douille. Oui, exactement. De la poche à douille. Parce que le produit était déjà fait. J'avais quelques idées, justement, comment je voulais le faire. C'était avec, justement, une poche et une douille. C'était très intéressant à travailler les mousses. Particulièrement, moi, ce que j'aime de la mousse, je vais y aller, celui surtout du lobster, le homard. C'est une mousse qui est quand même très dense, hein? Je veux dire, quand on a ça sous le palais, là, c'est très intéressant. À l'inverse, l'autre est très bonne au goût, mais on dirait qu'elle s'envole très vite en dehors du palais, là, t'sais. Ouais, moi, c'est un champignon aussi que j'utilise l'été, quand vient le temps. Parfois, j'ai des amis qui me fournissent en champignons. Ils sont d'ailleurs ici, François-Xavier. Oui, pour ne pas les nommer. Voilà. Je fais sauter des champignons, du moment. Je déglace avec un petit peu d'India Pale Ale. Je sers ça sur des pâtes avec un pavé de saumon sur lequel je mets un petit peu d'autres champignons sautés. Oui, la vie est belle à ce moment-là. Oui. Mais François-Xavier, l'association bière-champignons, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on imagine, surtout dans la culture européenne où le vin est roi, hein, comme disait Michel. Toi, comment tu l'as vu quand on a commencé à t'approcher avec la bière? En fait, j'ai eu cette idée de mettre le chaga. C'est un champignon qu'on travaille beaucoup chez Chapeau-les-Bois, que j'ai beaucoup travaillé depuis une dizaine d'années maintenant, que je le cueille puis je le transforme. Moi, j'ai une passion pour ce champignon-là. Je trouve qu'il combine tout. C'est un champignon qui est pour moi parfait. C'est-à-dire qu'on peut travailler une aromatique parce qu'il y a quelque chose de très intéressant au niveau du goût de ce champignon-là. Quand on sait faire la décoction, j'entends bien. Là, c'est quoi la décoction? Ben, en fait, il faut l'extraction du champignon. Ça passe par une extraction à l'eau chaude. On peut aussi faire une extraction à l'alcool. Mais au niveau de l'aromatique, c'est surtout à l'extraction à l'eau qu'on va travailler. Et il y a une durée, il y a une température à respecter, il y a certains grammages à respecter au niveau de la décoction pour aller chercher de l'aromatique pour la retravailler derrière en cuisine. Vous le verrez tantôt avec la crème glacée, mais on fait beaucoup d'autres choses avec ça. Et donc moi, dans ma tête, c'était tout à fait logique de faire une bière avec ce champignon-là, les décoctions qu'on faisait. Et puis j'avais la chance d'avoir quelqu'un dans mon giron très proche que je connaissais depuis des années, mais avec qui j'avais vraiment collaboré. On s'est tout le temps croisés parce qu'on a un cercle d'amis communs. Puis c'était tout à fait logique d'aller voir Michel et de lui dire que j'aimerais qu'on fasse une bière avec ce champignon-là. Puis je pense qu'on a sorti un très bon produit avec la Chaga, qui est une bière qui était commercialisée jusqu'à présent et qu'on va bientôt retrouver sur les tablettes. Vous ne vous découragez pas, je sais qu'elle est back-order un peu partout, mais ça s'en vient, on va pouvoir réapprovisionner prochainement. C'est bien parce que c'est une bière dont on peut, on peut savoir de cette bière-là où elle a été créée exactement, à quel coin de rue. Donc, je marchais dans les Moiloux, François-Xavier m'a croisé au coin de la 5e, 5e rue et de la 4e avenue. Puis il m'a dit, j'ai une idée, comme ça, et ça va, j'avais déjà la bière pour servir. Je savais déjà dans quoi mettre la décoction de Chaga. Ça a donné un résultat vraiment excellent, avec un petit goût d'érable, vraiment très, très chouette. Le chaga, c'est un champignon que j'aime beaucoup. Je souffre de dépendance à la décoction de chaga. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très bon. Mais avec une scotch ale, une bière de genre scotch ale, on a ajusté la décoction pour faire une bière qui a des saveurs sucrées sans être très, très sucrée. Alors, c'est vraiment un petit produit très, très intéressant. Et antioxydant. Oui, très antioxydant. En plus, alors ne vous méfiez pas d'une bière aux champignons, bière au chaga. C'est vraiment un produit. Moi, je l'ai goûté aussi. J'étais très surprise de voir que ça goûte absolument rien, le champignon. C'est une belle surprise. En fait, c'est faux de penser ça. C'est important parce que c'est souvent des réflexions qu'on entend. Les gens s'attendent d'avoir un goût de champignon, tel que les champignons qu'on peut consommer tous les jours dans notre assiette. Donc, vraiment un petit goût caractéristique du champignon. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chaga, quand on fait la décoction, ça goûte un petit peu l'eau d'érable. Il y a quelque chose un peu de mélasse, un fond de mélasse au niveau du goût. C'est un petit côté café de céréales aussi. Il y a des notes de chocolat. Alors, c'est pas du tout dans les aromatiques. Il y a du boisé. C'est pas du tout dans les aromatiques qu'on a l'habitude d'avoir en tête quand on parle de champignons. Donc, quand les gens goûtent la bière et qu'ils perçoivent ce goût-là, ils se disent, ça goûte pas le champignon. Mais en fait, s'ils avaient l'habitude de boire de la décoction de chaga, ils retrouveraient dans la bière ce côté un petit peu érable caramélisé, là, qu'on a, le côté un peu scotché de la bière, vraiment avec le côté du chaga qui a légère amertume, toute petite, et puis ce côté un petit peu mélasse. Le public a déjà la troisième bouchée en main. La duxelle de champignon. Non, t'es sûr? C'est le creton. C'est le creton, hein, voilà. Excusez, le creton, oui. Creton au champignon sauvage. Donc... Là, on revisite un grand classique québécois quand même. Le creton, c'est très gras à la base, François-Xavier. Ouais, je me suis permis, vous m'excuserez, mais moi, je pense que vous comprendrez avec le résultat que c'était pas une mauvaise idée. Effectivement. Alors le creton, c'est habituellement, effectivement, c'est gras, mais moi, je privilégie beaucoup la viande d'épaule. Et je travaille avec la viande des élevages Bonneau. Il faut remercier Marcel de me laisser accéder à sa boucherie, à ses installations, où je peux faire toutes mes recettes avec lui, avec sa viande. Un porc élevé sans antibiotiques. Dans l'épaule, évidemment, la viande est très maigre. Et puis le creton, mais il y a un petit secret, c'est que après la cuisson, il faut savoir aussi vider le gras. Et ne garder que finalement l'essentiel, la viande, avec ce qu'il y a dans le creton. Alors les crotons, habituellement, ça goûte pas grand-chose. Le creton, il faut toujours mettre des épices à croton, du sel, du poivre. Ça goûte un peu toujours la même chose. Les champignons, ça apporte quelque chose d'extraordinaire dans le creton. Puis là, on a un mélange de 4 champignons forestiers. C'est un accord de goût de ces 4 champignons-là qui est vraiment parfait pour le creton. Ça vient donner une profondeur et un goût. Ça se rapprocherait peut-être plus d'un pâté, on va dire, un petit pâté de campagne au niveau du goût. Mais bon, c'est vraiment la recette. C'est avec la viande de creton des élevages Bonneau. Ça fait ressortir le goût de la viande. Oui, effectivement. C'est le goût du creton. Là. C'est de la viande de porc, hein, comme c'est un croton traditionnel. C'est juste qu'à l'intérieur, au lieu de mettre des épices à croton puis d'autres assaisonnements, je me suis concentré moi sur un mélange de champignons pour venir donner du goût au croton. Et le public de CKRL qui mange énormément de champignons, je pense qu'ils dépassent leur consommation annuelle rien que dans cette soirée à CKRL. Hein, Michel? Oui, mais la consommation de champignons au Québec, ben, François pourrait peut-être plus nous en parler, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une forte augmentation dans les dernières années, parce que effectivement la consommation avant, il y avait des pleurotes un peu et beaucoup de champignons de Paris. Ben, c'est qu'on retrouve les champignons sauvages maintenant sur les marchés, en plus des champignons cultivés que les gens avaient l'habitude de consommer. Donc de plus en plus, comme je vous disais, les chanterelles, les bolets, beaucoup d'autres espèces. Il y a à peu près une quinzaine d'espèces, on va dire, dans l'été qui sont vraiment commercialisées de manière régulière. Et puis, mais il y a 3800 espèces de champignons forêt. Alors, c'est une diversité Québec. Incroyable au Québec. C'est une des forêts où on trouve le plus. A, B, C, D, E, F, G. François-Xavier, vous êtes présent avec Chapeau les Bois à l'année longue au marché du Vieux-Port de Québec? Effectivement, l'année longue, c'est peut-être beaucoup dire. On va dire qu'on est là du mois de juin, là on rentre le 19 juin, et puis on va sortir au marché de Noël, à la fin du marché de Noël. On fait toujours une pause au mois de novembre pour pouvoir faire justement de la production pour le marché de Noël. Et là, on s'est réinstallé juste 10 jours au marché pour Pâques. Ça donne l'occasion aux gens qui viennent chercher des produits en saison de revenir faire un petit tour pour leur repas en famille. Alors on était juste là 10 jours, on reviendra s'installer le 19 juin de manière régulière pour tout l'été. J'ai eu l'occasion même de travailler quelques jours pour dépanner, à un moment donné, quand ils sont dans leur saison de fou. Comme ça, ils m'ont appelé, puis j'ai dit « OK ». Alors, les gens ont pu tomber sur moi, comme ça, puis ce qui n'était pas si mal, parce que je connaissais des champignons, je connaissais quand même les produits, mais j'ai beaucoup ri tout à coup de me retrouver au marché du Vieux-Port, en train de vendre dans un kiosque. On va se plaindre, bien sûr, parce qu'on connaît Michel, c'est pas du tout un très bon ambassadeur pour ce qu'il représente. Alors, moi, répondais « Oh, je le sais pas. » Mais ce qui est drôle de ça, c'est que effectivement, maintenant, il y a de plus en plus de questions précises des gens. C'est un peu comme pour la bière. À l'époque, on pouvait servir des bières, personne ne nous posait de questions. Maintenant, les gens ont des questions parfois extrêmement pointues. Et dans le cas des champignons, ça peut arriver aussi. Il y a des gens voulaient surtout savoir la provenance. Ben oui. C'est un des trucs. À part, d'abord le goût, ensuite d'où ça vient. Les gens sont très surpris quand on leur dit que c'est tout est cueilli au Québec. Les champignons sauvages qu'on commercialise sont cueillis au Québec. C'est sûr qu'on a vu très vite, nous, que nos petites cueillettes locales, régionales, suffiraient pas pour l'approvisionnement d'un marché comme la restauration ici à Québec. Donc très vite, on s'est organisé, chapeau les bois, puis on a un maillage de cueilleurs de partout dans la province maintenant. Mm-hmm. Donc on a du volume au niveau des champignons, de la constance, la qualité était primordiale chez nous. Au niveau des champignons. Alors on est bien organisé, puis on a maintenant cette denrée qui était rare autrefois, on arrive à la présenter maintenant sur les marchés. Ouais. Et dans la région de Québec, alors quelles sont les forêts stratégiques où il faut aller cueillir? Tu le sauras pas, je pense. Je pense que tu le sauras pas. Je vous donne un conseil. Si vous connaissez un bon cueilleur, faites-le guet de très bonne heure le matin devant chez lui, puis suivez-le. C'est le seul moyen. Il peut vous perdre dans la forêt. Oui, il peut vous perdre. Non, mais je veux dire, maintenant, on fait des gens d'initiation. Si vous surveillez un petit peu sur les réseaux, les médias, vous allez voir, il y a des entreprises qui font de l'initiation à la cueillette. Nous, Chapeau les Bois, on en fait à l'automne. Il y a des cours en cégep qui se donnent pour la cueillette de produits forestiers non ligneux maintenant depuis 6 ans. Mais ce ne sont pas des cégeps qui sont ici à Québec dans les grands centres urbains, mais vous en avez un. La formation la plus proche est à la Malbaie, en fait c'est Baie-Saint-Paul. Ensuite vous avez la Pocatière, vous avez le lac Saint-Jean qui a représenté des formations de 190 heures vraiment pour faire la cueillette de produits forestiers. Vous sortez de là avec une certification et surtout vous êtes capable d'identifier les champignons que vous allez cueillir. C'est ça, c'est ce qui est important. Moi, une des choses, j'ai fait de la cueillette de champignons un peu, et l'idéal, c'est quand même de se concentrer, de manger quelques espèces qu'on identifie bien. Moi, je suis un petit peu daltonien, alors j'avais un de mes amis, Philippe, qui cueille pour vous d'ailleurs, qui, lui, vraiment, avait un œil plus meilleur que le mien, ce qui permet de... moins daltonien, qui m'a permis de survivre pendant toutes ces années. Et c'est très intéressant. Et pour le reste, ce qu'on connaît pas bien, on essaie de l'identifier au mieux. Puis ensuite, on s'en débarrasse, à moins qu'on se rende compte qu'il n'y a vraiment pas de problème possible d'identification. Mais moi, c'était la meilleure méthode. Je me disais, je me concentre sur quelques trucs. Puis ce que j'arrive pas à identifier, j'essaie de le faire du mieux possible. Mmh. Puis comme ça, on peut cueillir et manger toujours en sécurité. Il y a une joke. Si vous n'êtes pas sûr, vous risquez de pogner un champignon qui sent un autre qui peut être venu. Quand on n'est pas sûr, on ne le mange pas. Tous les champignons sont comestibles, mais il y en a que vous n'allez manger une fois dans votre vie. Belle philosophie. C'est bien dit. Sur ces bons mots, nous avons un montant à annoncer. Hein, on a tellement parlé. Michel Marcoux, voici le montant à 18h30 pour le radiotemps de CKRL. Roulement de tambour, si vous pouvez, avec vos assiettes, vos pieds. 17 686 $. Mais il est encore temps de donner. Demain, à la même heure, on veut déjà avoir dépassé le 42 000 $ qu'on s'est fixé. Comment faire? Sur quel lot miser? C'est ce que vous allez savoir tout de suite. Partenaire majeur du Radiothon de CKRL, le Bal du Lézard s'est imposé au fil des ans comme un lieu de rencontre culturelle et sociale au cœur du quartier Limoilou. À la fois café, resto, bar, salle de spectacle et d'exposition, le Bal est l'endroit idéal pour rencontrer des gens sympathiques dans une ambiance chaleureuse. Découvrez toute notre programmation à venir sur lebaldulézard.com. Cette émission est une présentation de la boutique Le Pédalier. une équipe de spécialistes et des conseils judicieux, c'est l'expérience que vous vivrez en vous rendant à la boutique Le Pédalier. Pédalier.ca. Ça y est, dernier segment de ce 6 à 8 gourmand. Et qu'est-ce qu'on a été gourmand pendant cette soirée, Michel Marcoux? Oui. Et les gens, tantôt, on est obligé de les contraindre, d'essayer d'arrêter de manger. Mais il n'y a rien à faire. Ces gens-là sont devenus... Des machines. Oh, ça donne des machines à se nourrir comme ça. Et là, on est arrivé à... La glace au Chaga que François va vous expliquer. Avant ça, je vais vous parler de la Stout impériale de la Barberie. Lorsque cette bière-là est sortie, c'était vraiment parmi les Stouts les plus costauds qu'il y avait sur le marché. Maintenant, c'est dans la bonne moyenne. D'accord, ça va être drôle. Mais elle a quelque chose de vraiment bien fait, cette bière. C'est puissant, mais en même temps, il y a un équilibre. Si vous aimez, évidemment, tout ce qui est au chocolat avec cette bière-là, donc particulièrement les chocolats avec la crème de Bailey's, par exemple, ou des chocolats à la framboise. Puis là, ben, on a de la glace à la Chaga, j'ai l'impression que ça va être parfait. Et un jour, on a fait une stout impériale russe, encore vraiment plus forte que ça. Et il y a un client qui était un type à peu près très, très discret, normalement, comme ça. Puis je suis sorti sur la terrasse à la Barberie pour m'en serrer dans ses bras. C'est comme... Les buveurs de stout sont des drôles de personnes. C'est ça. Alors, méfiez-vous des buveurs de stout. Les gens qui ne boivent que de la stout, méfiez-vous-en. Ils peuvent être bizarres. Le plus incroyable dans l'histoire, parce que là, on vient de servir la glace au Chaga au public de CKRL, de ce 6 à 8 gourmands, et ils me disent, il y a vraiment une bière qui s'accorde avec une glace. On a Absolument. Dit que tout est possible avec la bière. Oui, tout est possible. Et les gens vont souvent arriver au dessert avec du Porto, par exemple. Puis c'est une des façons les plus subtiles de tuer un grand Porto. C'est de l'accorder avec un dessert. Parce que très, très souvent, vous allez vous rendre compte que le Porto devient très, très fluide. L'acidité ressort beaucoup. Et l'équilibre est souvent meilleur avec une bière. À moins que vous ayez vraiment les moyens de tuer des grands Porto, c'est votre choix. Mais c'est ça, ça se fait, puis ça peut être agréable aussi. Mais effectivement, lorsqu'on fait la même chose avec une bière, on va avoir une expérience agréable, mais on n'aura pas le coût, évidemment, d'associer à un grand Porto, par exemple, qu'on serait en train d'assassiner simplement à coup de glace. Comme ça, là, je regarde les gens manger leur glace et boire la star. Est-ce que ça fonctionne? Ah, ils sont contents. Ils ont hoché la tête de satisfaction depuis le début. Alors, c'est difficile de savoir s'ils sont crédibles ou pas. Non, mais c'est là... Ça venait du cœur, là. C'est peut-être un public acheté carrément. et François, cette glace, comment ça s'est passé? Mais en fait, c'est toujours en travaillant le Chaga puis les extractions de Chaga, le goût du Chaga, comme je vous l'ai dit, moi, c'est un goût qui me plaît particulièrement. Avec Céline, on a travaillé cette recette de crème glacée. Comme vous le voyez, le goût du Chaga, c'est vraiment le goût que vous avez dans la crème glacée. C'est ce goût qui est un peu entre le caramel et le praliné, la noisette. Là, on est un peu pile au milieu. C'est ce qu'on a comme goût quand on met du lait ou de la crème dans la décoction de Chaga. Alors, c'était assez simple pour moi de tirer les conclusions et puis d'en faire une crème glacée. Mais comme je vous dis, on peut faire des panna cotta avec ça, on peut faire toutes sortes de petits desserts. On parlait tantôt des pâtisseries et puis du Paris-Brest. Je veux relater une anecdote. Il y a une recette de crème de Paris-Brest qui est faite avec du champignon, qui a été mis au point par un grand chef français qui s'appelle Monsieur Marcon, et qui est venu faire la démonstration ici au Saint-Amour et qui a montré au chef en présence. Et maintenant, je connais en ville au moins 3 chefs qui ont décliné cette recette-là, puis qui font des garnitures de crème fouettée pour des styles de Paris-Brest avec des champignons. Alors, ça s'est fait avec le cep pour Monsieur Marcon. Moi, je l'ai initié avec un bolet qui s'appelle le bolet à pied glabrescent parce que je trouvais qu'il y avait encore plus ce goût de praliné. Mais on pourrait travailler ça avec d'autres champignons aussi, faire des crèmes fouettées aromatisées. Ça sonne bien, tout ça. Et pourquoi le lait de soya en particulier? C'est pour répondre à une demande particulière? Oui, on a vraiment à cœur d'initier des desserts qui sont un peu plus santé au niveau... on va dire la nutrition, puis des apports caloriques. Donc, le lait de soya bio, c'est quelque chose qui match particulièrement bien avec la décoction de Chaga. comme vous le voyez, on a vraiment l'impression d'avoir une crème glacée tout à fait ordinaire, faite avec une crème, mais c'est vraiment avec un lait de soya, donc beaucoup plus santé. L'apport antioxydant du chaga, non négligeable, parce qu'on va dire qu'on sait surtout pour cet apport antioxydant qu'on travaillait ce champignon au départ. C'est une crème glacée qui est plus antioxydante qu'un jus de bleuet pur. Mais on peut aussi servir cette glace au chaga avec des bleuets. C'est ce qu'a fait Mike. Mike, oui, j'ai fait un genre de petit muffin à l'oronia, dans le fond, qui est une petite baie qui ressemble à un bleuet, mais qui pousse dans les arbres. Alors, côté beaucoup plus surette, puis je pense la combinaison avec le chaga, très intéressant. Le petit sirop aussi qui a été fait à cette base-là d'aronia, très intéressant. Moi, je vais vous dire, en tant que chef cuisinier, là, je suis tout le temps épaté et satisfait de travailler avec des produits de Chapeau les Bois, entre autres, qui innovent année après année avec des nouvelles tendances, des nouvelles recettes, des nouveaux produits. En tout cas, pour un chef, là, exploiter et explorer tout cet univers. C'est drôle. Moi, je me souviens que François, chez vous, il y avait une petite recette avec les chanterelles et un œuf de caille. Aussi, c'était ça sonnait très, très, nous très en a bien. Déjà parlé en réunion. C'est comme la 10e fois qu'il en parle. Ouais, je sais. Je sais, mais c'est quand même une suggestion. Plus on entend parler, plus il y a des chances de me le refaire. Il y a des matchs comme ça. Les œufs de caille, pourtant, c'est vraiment pas ce qui est le plus accessible. Bah, a priori, les gens ont peur peut-être d'aller vers ce produit-là. Mais je dirais maintenant, on les retrouve sur les marchés. Donc, l'innocuité, elle est assurée pour les consommateurs. Tout ce qui est champignons sauvages, produits forestiers, vous allez le retrouver dans le commerce. Ça a été checké 2-3 fois. Donc, on assure l'innocuité des produits, la non-dangerosité des produits. C'est sûr que c'est primordial. Si on veut que ces marchés se développent, il faut pas commencer à rentrer sur le marché des choses qui peuvent être problématiques. Là. Et les œufs de caille, ben, maintenant on retrouve ça, c'est sûr, donc facilement, et je le redis encore comme ça, et on retrouve les cailles aussi, et à l'intérieur de la caille, il y a des œufs. Mais l'œuf et la chanterelle, c'est un match parfait. Les grands chefs l'ont décliné déjà depuis longtemps. Œuf, chanterelle, vous ne vous tromperez jamais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, les gens qui n'ont pas vraiment cuisiné de champignons sauvages, la première fois que vous les avez, poêlez-les, goûtez-les comme ça déjà pour avoir leur goût. Mais après ça, quand vous voudrez faire des petits plats un peu plus élaborés, ben commencez déjà par faire des omelettes avec les champignons. Donc on poêle les champignons au préalable, on casse ses œufs, on bat son omelette et on verse les œufs battus sur les champignons dans la poêle. On finit la cuisson et vous allez avoir des omelettes absolument extraordinaires. C'est complémentaire avec le goût des champignons. Ou sinon, on peut tout simplement mettre un petit œuf de caille. Merci Michel. Alors... On a une question dans le public, une remarque. Non. Ah, question, est-ce qu'on a mis un petit peu de bière dans le petit muffin servi ce soir? La seule chose qu'il y a à l'intérieur du muffin, c'est vraiment le fruit que j'ai mis, l'aronia. Et c'est sûr que le sirop aussi, on a laissé détendre le fruit assez longtemps. Alors le sirop aussi qui dégage un arôme très intéressant, mais... Il n'y a aucune épice, il n'y a pas de chaga, pas de bière. Alors, c'est vraiment l'effet du fruit à l'état pur. Et l'accord avec la bière aussi doit y être pour quelque chose, Michel. Oui, mais effectivement... Avec un œuf de caille. Avec un simple œuf de caille, comme je dis. Toujours, lorsque c'est ça, un jour, je serai interné avec des cailles. Mais c'est ça... Comme... Mais effectivement, la stout, lorsque vient le temps on parlait des desserts, comme ça, lorsqu'on arrive avec la glace, avec les fruits, et particulièrement la combinaison chocolat-fruits, la stout est tout à fait indiquée pour ça. C'est parfait avec l'aronia, puis la petite acidité du fruit. C'est numéro un, la stout est déjà dans les arômes de café. Ouais. Si vous goûtez la glace au chaga, vous allez avoir aussi cette impression à quelque part d'avoir quelque chose un peu de café aussi. Ce qui est complexe, la glace au chaga, c'est complexe l'aromatique. Si vous pensez caramel, vous allez voir ça, effectivement, vous allez trouver que ça goûte le caramel. Si vous pensez praliné noisette, ah oui, effectivement. Puis si vous pensez chocolat, café, ben, vous allez avoir aussi des aromatiques. Vous allez dire, effectivement, on a ça là-dedans. Le petit œuf de caille et la décoction de chaga, c'est quelque chose à laquelle on viendra un jour. Oui, mais là, je trouve que c'est exagéré. un peu exagéré de parler d'œufs de caille tout le temps. Ben, à moins qu'on arrive à avoir un petit œuf de caille en chocolat pour Pâques prochain. Oh, alors, ça serait bien. Pour remercier le public ce soir du 6 à 8 gourmands qui, je le rappelle, pour participer, c'était seulement $20 pour tout ce que vous avez mangé. Faites du bruit! Merci Mike, et c'est tout au profit de CKRL, donc vous avez mangé, bu pour une très très belle cause, pour soutenir votre radio, et ce n'est pas terminé, on va vous laisser sur un dernier petit cadeau qui nous vient de la nougaterie située à Saint-Pierre de l'île d'Orléans, le nougat qui est trop méconnu, hein. Je ne sais pas Michel, toi tu as l'habitude de manger du nougat? Oui, parce qu'on le retrouve facilement maintenant, en tout cas moi je le vois au marché du Vieux-Port. Où je pense que la nougaterie... Non, ils sont vraiment situés à l'île d'Orléans, mais ça se peut que tu les aies croisés dans un marché de Noël. Oui, c'est ça, je l'avais croisé, ils sont dans un marché. Et maintenant, on retrouve du nougat décliné de toutes les façons, alors qu'avant, c'était presque complètement inaccessible, ou du moins, on retrouvait du nougat importé à un prix plus élevé, et ce n'était pas du nougat très frais. Alors, d'ailleurs, petit quiz pour le public qui boit. C'est Noël, hein. Vous les verriez, là, ils ouvrent leur petit paquet cadeau nougat. Et il y en a qui se demandent pourquoi je leur disais de garder de la chardonnay. C'était pour aller avec le nougat. Vous n'avez plus de chardonnay. Ben, c'est ça. Avant d'en parler, Michel, petit quiz pour notre public et pour vous, chers invités. Savez-vous d'où vient le nougat originalement? J'ai trois propositions. Montélimar, en France. Valence en Espagne ou Alep en Syrie? Qui vote pour la France à main levée? Trois personnes. Valence en Espagne, une personne. Alep en Syrie. Voilà, c'est la majorité pour Alep. On écoute la réponse qui nous vient de Caroline Marelli, propriétaire de la nougaterie à l'île d'Orléans. Jetaient leurs amandes et leurs fruits secs dans du miel parce qu'ils avaient une grosse consommation de miel, puis faisaient durcir ça, puis mangeaient ça comme ça en fait. Après, quand ils sont venus en France et tout ça avec leur culture, leurs recettes, c'est resté dans le sud de la France parce qu'il y avait beaucoup d'amandiers. Et puis en fait, ça fait comme un couloir, si vous voulez, du nougat. Et puis ça a un peu arrêté là-bas, quoi. Ça a arrêté à Montélimar. Qui s'est approprié la recette, protégée. C'est un secret. C'est une appellation contrôlée. C'est ça. Alors voilà, la bonne réponse, c'était donc Alep en Syrie, vous l'aurez compris. On n'imagine pas toujours, moi, la française que je suis, je pensais que c'était Montélimar. Parce qu'il y a du nougat de Montélimar. Exact, appellation contrôlée, comme elle nous le disait. Il y a des oranges de Valence. Par exemple. Deuxième question, selon vous, quels ont été les défis pour la nougaterie de l'île d'Orléans pour faire aimer le nougat aux Québécois? Petit 1, faire des couleurs funky pour que ça soit attrayant comme des jujubes. Petit 2, intégrer les saveurs locales. Petit 3, jouer sur la texture du nougat. Qui pense que c'est pour les couleurs funky? Levez la main. Personne. Qui pense que c'était pour intégrer les saveurs locales? On a quand même 6, 7, 8, 9 mains levées. Jouer sur la texture du nougat. 4, 5 personnes. On écoute la réponse de Caroline Marelli. Nous, on vient du monde de l'hôtellerie et restauration. Et quand on est arrivé au Québec, on a vu qu'il y avait du nougat partout, mais du nougat d'exportation. Il y avait du torrent italien, il y avait du nougat de Montélimar. Puis on s'est dit, mais pourquoi il n'y en a pas ici? Pourquoi on n'en fabrique pas? Et de fil en aiguille, on s'est dit pourquoi pas. Et puis en plus, le nougat à la canneberge, au bleuet ou à l'érable, ça n'existe nulle part ailleurs. Et trouver la texture du nougat aussi, qui est beaucoup plus dur, par exemple en France, ici, il fallait faire quelque chose de tendre. De tendre, parce que quand on allait dans les salons, et puis qu'on a commencé à faire goûter le nougat comme ça, en allant faire des salons un peu partout au Québec et en Ontario, puis les gens nous disaient, c'est dur. Pour nous, Européens, non. Puis je rentrais, je voyais mon mari, je disais, ça marchera jamais, là, il trouve ça dur. Donc, il a mis les recettes au point pour dire de le faire plus tendre, en fait. Il ne faut pas dire mou, il faut dire tendre. Donc, la, La réponse, c'était jouer sur la texture du nougat, qu'il fallait absolument qu'il soit tendre parce que les Québécois avaient du mal à mâcher quand c'était trop dur. Oui, ce qui est un peu drôle quand même. Puis ils ont intégré des saveurs locales. Exact aussi. Oui, ça faisait partie des défis. C'est pour ça que vous retrouvez dans les nougats qu'on vous a donnés ici à CKRL du nougat au bleuet, du nougat, alors pas ce soir, mais ça existe à la canneberge, nougat à l'érable également. Ce soir, on vous donne du nougat au choco, caramel, fleur de sel, au frais, le classique, pomme verte, orange confite, et il existe aussi un nougat à la papaye et au gingembre, pour ceux qui seraient amateurs des épices. C'est chouette, ça ressemblait pas à ça quand j'étais jeune, le nougat, mais c'est la même chose en France, comme par exemple pour les simples macarons. Maintenant, ça se décline dans des saveurs qu'on ne retrouvait pas. Et même salé maintenant, macarons salés. Il y a plusieurs années. Et ouais, macarons foie gras. Ouais, mais c'est quand même relativement jeune, le macaron. Je me souviens, moi, de mon enfance, et on n'en retrouvait pas dans les boulangeries-pâtisseries quand j'avais 10-12 ans. C'était quelque chose qu'on retrouvait uniquement dans des grands établissements hôteliers où les chefs pâtissiers faisaient ces macarons-là. Mais ce n'était pas quelque chose de courant. Ça s'est vraiment démocratisé, puis ça a explosé, là, on va dire, depuis les 20 dernières années. Et si on regarde, parce que c'est un phénomène mondial, mais au Québec, ça a été vraiment marquant. Si on regarde l'évolution... D'abord, de la consommation de vin, au départ. C'est un peu ce qui a amené les gens vers des nouvelles saveurs. L'apparition des microbrasseries et maintenant, le choix incroyable de trucs de microbrasserie qu'on peut retrouver. Et la bouffe, ben là, c'est l'explosion totale. Seulement les champignons, si on prend le chapeau les bois, par exemple. Maintenant, les gens recherchent des saveurs qui, il y a quelques années, auraient fait fuir les gens. C'est tout le défi, effectivement. Alors, pour finir, mon petit quiz sur le nougat, qui, je suis sûre, vous divertit suffisamment. Quel est l'ingrédient blanc qu'on retrouve dans le nougat ? Première proposition, du sucre. Deuxième, du blanc d'œuf. Troisième, de la pâte d'amande. Qui, dans le public, dit du sucre ? Le blanc que vous retrouvez sur votre nougat ? Personne. Du blanc d'œuf ? Quand même beaucoup de mains levées. Du blanc d'œuf de caille, même, j'ai entendu. Oui, pourquoi pas. Et de la pâte d'amande. 2, 3, 4 mains, 5 mains levées. Réponse de Caroline Marélic, propriétaire de la nougaterie. C'est voilà. Du blanc d'œuf. Donc, il n'y a pas de calories dans le blanc d'œuf. Du miel. Bon, OK, il y a du sucre. Mais, ce qui est normal. Oui, c'est normal, c'est un bonbon. Mais pour une portion, c'est à peine 80 calories. D'accord. C'est moins que dans une barre tendre, en fait. Mmh. En plus. Et ce sont des fruits séchés, hein, on le précise. Vous ne pouvez travailler qu'avec ça. On peut travailler qu'avec ça, qu'avec des fruits séchés. Alors voilà pour les petits secrets des nougats, de la nougaterie. C'est sûr que, comme disait Michel, si on va en Europe, c'est vraiment tout un autre genre qu'on va déguster. Là, c'est vraiment un produit fait au Québec, à l'île d'Orléans, à Saint-Pierre. D'ailleurs, si vous voulez visiter la nougaterie, ils sont ouverts à l'année. Tous les jours, vous pouvez déguster non seulement, bien sûr, du nougat, mais aussi des crêpes, des gaufres et des cafés italiens tout au long de l'année. Et c'est vraiment pas loin. C'est pas loin du tout, c'est juste à gauche, après le pont, c'est ce qu'on m'a dit. Puis il y a un choix de 14 saveurs de nougat, donc n'hésitez pas à leur rendre visite. On remercie Caroline Marélis, c'est un extrait d'une entrevue de Bière et Culture qu'on avait enregistrée l'année passée ici à CKRL, parce qu'on l'avait reçue comme invitée. On va déjà passer à l'heure des conclusions. Peut-être, François-Xavier, on rappelle si on veut retrouver Chapeau les Bois. Donc, ça va être à partir du mois de juin au marché du Vieux-Port. Alors, d'ici au mois de juin, on peut bien sûr nous retrouver à notre boutique, l'endroit où on fait notre production alimentaire, qui est dans Limoilou. Hein, c'est au 208 5e Avenue. Mais il faut appeler avant de passer pour vous assurer qu'on est là. Et vous allez retrouver tous les produits qu'on retrouve après ça au marché du Vieux-Port à partir du 19 juin pour toute la saison jusqu'au marché de Noël. Et marché public de Limoilou aussi, a priori ? Évidemment, comme chaque année, le marché public de Limoilou, cette année encore, à partir du mois de juillet jusqu'à la fin du mois de septembre. On est là tous les dimanches entre 11h et 15h, entre la 8e et la 9e, sur la 3e avenue. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé, vous faites des saucisses. Oui. Rapidement, parce qu'on va laisser le mot à tout le monde. Alors aussi. Oui, on fait des chipots des bois. Ils sont disponibles dans... vous avez le site Limoilou en boîte. Vous retrouvez ces produits-là qui sont disponibles. C'est des chipolatas, en fait, des saucisses à griller avec porc et champignons sauvages. Ils sont assez populaires, je dois dire. C'est vraiment... Quelque chose qu'on fait à l'année longue. Oui, vous livrez avec Mon Quartier en boîte, oui, initiative de Mont-Limoilou notamment. C'est d'ailleurs un lot à l'encan de CKRL, donc n'hésitez pas de miser sur ce lot, toutes les infos sur notre site internet. Mike, yes. Raymond, Mike the Metal Chef, yeah. On peut l'applaudir parce que ça a été un beau gastronauton ce soir aussi. Oui, effectivement, toute une aventure très intéressante. Alors, Mike de Metal Chef, c'est quoi dans le fond? C'est du chef à domicile. J'ai passé, vous avez des cartes d'affaires, vous avez besoin, aucun problème. Et pour faire suite un petit peu... à la maison, comment on fait pour te rejoindre? Ben là, alors, le numéro de téléphone est à l'endos de la carte d'affaires ou vous allez sur Facebook, sur Mike de Metal Chef. Et Momo Electro. Et si vous voulez me revoir, vous êtes trop gêné de m'appeler, je vais être au kiosque Chapeau des Bois cet été. Les lundis et mardis, pour vous conseiller sur vos achats de champignons et produits forestiers. Qu'est-ce qu'ils sont polyvalents! C'est beau, c'est beau. Donc, et puis si vous voulez plus d'infos, effectivement, page Facebook de Mike the Metal Chef. J'ai fait l'expérience du chef à domicile que je m'étais payé pour mon anniversaire et c'est grâce à ça que j'ai découvert notamment les crostinis que vous avez dégustés ce soir qui est mon coup de cœur, moi, de la soirée. Michel Marcoux, la Barberie, c'est où? Pour tous ceux qui 310, vivraient dans une grotte. 310 Saint-Roch. moi, j'y étais longtemps. J'étais pas au tout début de la Barberie, quoique j'ai fait les recettes du plan d'affaires en 1995. La Barberie a fêté ses 20 ans. Et j'ai fait longtemps des pubs de la Barberie à CKRL. Puis il y en avait une pour savoir c'est quoi les projets de la Barberie, je dirais. Je vais répéter la pub, la Barberie, 1997-2097, bientôt 100 ans de tradition. Oh, j'aime ça. Michel, on va le rappeler, t'es un pionnier ici dans le monde de la microbrasserie à Québec. On te retrouve aussi à Brasseur sur demande dans Limoilou. Oui, maintenant, c'est ça. Puis aussi, j'ai continué dans la microbrasserie. On reste en bonne relation, tout le monde. Alors, ça m'est arrivé d'animer à la Corrigane, d'animer à la Barberie. Les gens de la Corrigane vont venir prendre une bière, puis les gens de la Brasserie Générale vont venir prendre une bière. On retrouve tout le monde se mélange et tout le monde a beaucoup de plaisir. Salon de dégustation, donc, sur le chemin de la Canardière, on le rappelle, oui, l'adresse... Oui, au 1177. Merci, Michel Marcoux. Ça a été un plaisir de co-animer cette émission avec toi. Merci, cher public, d'avoir dégusté au profit de CKRL ce soir. Mon nom est Jessica Leb, moi je vous retrouve demain, mais le Radioton se poursuit avec... ça va bouger là, quand on parlait de métal par exemple, on sera pas très loin avec Eric Bédard et David Rocketship pour Délinquant Punk Rock, ça s'en vient à CKRL.